mentalité sans temps. Mentalité sans temps. Mentalité sans temps. Mentalité sont dangereux. Ce gars, voici le prototype du banlieusard contre la police. Et la police, celui qui opère en égotype. Le type qui s'agrippe à ses principes. Fils, même si tu as peur de rien, par cacha et nain, le prénom type. Jamais dans le carré vide, bonhomme qu'on évite et vite. C'est évident, écoute la suite, même si ça paraît vite. Viens par ici, dans nos quartiers à la dérive. Où les mauvais jeunesses, notre enfance est en péril. Des cris des rites, et elle sort vite que par le business. Et feuille de la résine, et elle laisse rouler jeunesse. Maladresse, car les types font le terrible. Préfère le profit du barbare à celui de Ribéry, les blagues à part. Tu reconnais, sera papa. Si l'homme descend du sage, descend de ma tour, tu vas voir. En fait, marche nos ménages pour te briser les genoux. Comme Mimimatique, il te fait le coup de la corde à linge. Mec, on marche à l'instinct avec tous ces flots de taré. Pour entre les mains, fais-moi un peu flou, bien carré, incarné. Le rap et toutes ces lettres nobles. J'en fais mon affaire, bonhomme, appelle-moi le métronome. On n'est personne, car les gens sont en perte. L'homme est en temps perdant, le temps perdant des peu m'emporte enfermé, je suis rien pourtant. Dans l'oreille cassée d'important, on se retrouve perdant dans cet état d'homme de ta tête certain. Tant que leur putain de chaise s'étend, tant que les esprits s'encendent. On prend en perd ton père en l'espèce. Ça fait de l'oral qu'à l'improvise, y'a pas de novice, ça claque nos fils en quelques pistes. Les basses se profilent, on part de nos vies, y'a pas de novice, y'a pas de sottise, y'a pas de motif. La MS des 9 jeunes qui braquent à la scène, je suis l'esclave de ma vie. Donc c'est pour ça que je fais du rap à la chaîne. J'ai pas de liquide sauf dans ma débouche, t'as pas des clips, t'es ça, ça dégoûte. J'entends des sky ou vodka, Red Bull, braque le maxi, tu restes debout. Car pour s'en sortir faut avoir de la veine. Au bord du précipice, ce monde me pousse. Allons me suffit, je suis en détresse car je manque d'adresse. Comme un sans domicile fixe, paraît que je suis pessimiste. Mais à ma place, qu'est-ce que tu ferais? Je suis plus fan des bijoux depuis que les keufs m'ont passé les bracelets. Me parle pas de misère, la seule après se trouve au fond des squats. J'ai jamais vu l'ombre d'un doute sans une lueur d'espoir. Dans toute cette histoire, fais donc bien gaffe à ce que la vie t'enseigne. Pour ça que je suis venu te parler du haut, dis-moi de ce qu'il en est. C'est la 7-5-0-18ème symphonie. Tu mets deux sons qui se mènent à la baguette et qui s'improvisent. Dans la poche de la flûte, et comment ça tu veux tester mon trou? MSD départ, d'ores et déjà tu peux creuser ton trou. La 7-5-0-18ème symphonie. Tu mets deux sons qui se mènent à la baguette et qui s'improvisent. Dans la poche de la flûte, et comment ça tu veux tester mon trou? MSD départ, d'ores et déjà tu peux creuser ton trou. La pause pour faire quelques claques, c'est ça la vie, faut savoir m'encaisser. J'me réfugie dans le rap quand ça va mal, c'est là qu'faut pas me tester. J'ai trop parlé dans le vide, c'est peut-être là que j'vais m'jeter. Même si j'atterris dans la mer, cette lave part dépêche. Et j'suis sincère, c'est sûr. À quoi les bras me servent, pourtant je me prends main, je veux pas qu'on me laser comme Jésus. Pas fini de se lasser dans cette sale vie qui me colle au bas. T'auras beau jeter des lassos si tu me pèses. Deux fois m'enlacer. Le son c'est pas des rimes, c'est pas des armes, c'est pas des trucs de grave. Je mets dans la peau de ceux qui écoutent, on va finir par se mettre une balle. Ouais, ça reste qu'une âme parmi tant d'autres qui se barrent en couille. J'ai du respect pour les potos qui me disent fais pas l'andouille. Les parents douillent à chaque fois que tu rentres en miette à l'assommer. Pour l'avertissement, mec, y'a pas de lettre qu'on m'a donné. Beaucoup se prennent pour ramener, ils ne savent pas pardonner. Double tranchant comme ceux estimé un japonais. Sur les mots, je resterai toujours à cheval sans faire de poney. Je les marche pas si ça fait mal, frère, pas c'est donné. Tous unis dans la galère et la galère fait ramer. Alors on rame au quotidien en essayant de pas crouler. Tu sors nous dirige et nous on suit comme des moutons. On a fait plus pour crever plus tôt, c'est tout ce qui nous attend. Tu sais, je vais être franc, on court tous après l'euro. La vie c'est cher, mec, et c'est de sourire quand t'as pas un. L'argent sale chez nous se remet toujours en main propre. Aucun intermédiaire, on vit encore à l'époque du franc. Qu'est-ce qu'il y a? On rappe des pas dans la tendance. Posé à droite ou gauche, c'est pas ça qui donnera un sens. À ma vie qui pour l'instant se passe en souterrain. Et c'est pour mon futur proche pour essayer de voir plus loin. C'est comme ça que je vois ce monde, juste mensonge et trahison. On sympathise avec Chétal, tu finis comme un tisson. Les cœurs sont vides et les âmes sont chargées. Toujours les mêmes qui nous gonflent, faut juste pas crever. J'en ai marre des MC, de leur venge, car les rats qui se contentent de peu pour en arriver là. Je te parle de mecs qui sont en mode Kaira, qui se racontent une banlieue mais vivent très loin de là. Je critique les clips des rappeurs, rien que ça, qui se la joue gangsta avec deux trois nanas. Je critique les lyriques d'un arqueur Scala. D'ici je ne vois que ça, donc laisse-moi la place. Ok, ok. C'est la 7-5-0-18ème symphonie. Tu mets deux sons qui se mènent à la baguette et qui s'improvisent. Voilà pour jeu de la flûte, et comment ça tu veux.